qu'il existe sur cette terre. On est scindés, soudés, souvent sans dessus dessous. Des pensées sades, sous des façades sales, fades et acides, croulées sous les étages gras, trop saoulés. Trop souvent les piges défilent vite comme j'enfile les tiges. Tous les jours dégoûtés, attisés par le bise, mais trop coûteuse. Cette fiche tise à en croire la mienne douteuse. Ma thèse, c'est comme ce beat fat qui t'imprègne, mais pas ce monde qui te baise et où les t'imprègne. On les fait abdiquer, attiquer trop devant la connerie. Écoute ta sonnerie, j't'appelle pour niquer. Vas-y, prends un ticket. J'ai vu ton sketch chez un antiquaire. Mon nom s'est amené chez ton disquaire. Ouais, c'est mon étape. On dit que ce monde est top. En plus, on court dedans. Pendant que je rappe et que je t'ai ouais, tant de temps. Attends, j'ai pas fini. Il me reste une mesure. Peut-être une misère. Juste une césure qui te laisse dans le mystère. Le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça calme comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait chanter. Nos pensées fait qu'on écrit tard. Autodidacte, donc écoute, c'est tard. C'est le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça calme comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait que chanter. Nos pensées vu qu'on écrit tard, autodidacte, donc écoute c'est tard. SK, mon nom résonne dans tes oreilles. Alerte maximale, faut que ton sixième sens s'éveille. Et tu reconnaisses le son qui va te réveiller. Pire qu'une soufflette, au microphone je viens tout balayer. Dans ma ville, y'a que des histoires de gyrophares. Non, je déconne, rarement on l'entend rugir enfin. J'suis né ici, même si peu content d'y être. On vit tous pour mourir, t'as été la cause de mon mal-être. Cisailler, la connerie de l'homme depuis trop d'années. Condamné à vivre et aller au paradis sans profaner. Mais tu kiffes l'instru comme le string de ta meuf en dentelle. La rage quand t'apprends qu'elle a un appareil dentaire. Bref, mon rap efface cette tête d'enterrement éternel. T'inquiète, tu t'en rappelleras longtemps. Mes textes sont frappants comme une éruption volcanique. T'as l'impression de t'identifier, c'est pour ça que tu paniques. Le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça crame comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait chanter. Nos pensées fait qu'on écrit tard. Autodidacte, donc écoute, c'est tard. C'est le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça crame comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait chanter. Nos pensées fait qu'on écrit tard. Autodidacte, donc écoute, c'est tard. Sa mère, j'ai le saut mort qu'il faut. Si mère, c'est mort, si tu veux nous test. On t'enverra errer sur les 66. Si mère, peut-être je suis arrivé sans vous prévenir. Si j'ai pas le temps, je tombe, vu que je suis plombé par mon avenir. On laisse les colombes et les cons se frapper. S'frapper. À mort en sombre et tu m'entends rapper. Rapper. Je te rappelle, mec, ici c'est pêle-mêle qu'on vit. Et c'est la même pour toi et tes convives. Mon flow est fatal, il tue tous les faux MC fâchés, fascinés. Devant mon son, ils impèrent les pédales. Ici c'est SK et je représente le 0200. Joue le feu, la preuve, il reste plus qu'un tas de sang. Je t'apprends rien, j'arrête pas une occasion pour prendre le micro. J'espère que c'est ancré, de toute façon mon son, tu viendras accro. J'écris des phases de ouf qui te montent direct au vaucère. SK et check, c'est du bon son qu'on vous sert. Le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça calme comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait que chanter. Nos pensées vu qu'on écrit tard. Autodidacte, donc écoute, c'est tard. C'est le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça calme comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait que chanter. Nos pensées vu qu'on écrit tard. Autodidacte, donc écoute, c'est tard. Le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça calme comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait que chanter. Nos pensées vu qu'on écrit tard. Donc écoute, c'est tard. C'est le son qui est fait juste pour te hanter. Hanter. Ça calme comme une leçon, comme une cam dont on est tenté. Santé, on fait que chanter. Nos pensées vu qu'on écrit tard. Autodidacte, donc écoute, c'est tard.